une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial La Crime. Première semaine. C'est la première semaine avec La Crime, puisqu'en effet on est vendredi, mais la bonne nouvelle c'est que La Crime reviendra dès lundi entre 20h et 21h. Comment ça va? Ça va et toi? En pleine forme? Ouais, bien. Le week-end approche, toi t'as un bon week-end, tu vas au Maroc? Ouais, j'ai une date, mais surtout, voilà, dans 3 jours. Et surtout dans 3 jours. Donc le week-end, il va ressembler à quoi? Mis à part la date, ça va être quoi? Un peu de repos quand même? Ouais, ou... un peu de repos. Un peu de repos? Ouais. Réfléchir un peu à cet album, ça doit être terrible juste avant la sortie en fait de se dire merde. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que t'es dans cette période de doute non? Ça va, par rapport à ça, je suis pas de doute. Pas de doute? Non, pas de doute. T'es content de ce que tu vas offrir aux gens? Exactement. Mmh. Juste pressé que les gens se l'accaparent et écoutent. Eh bah, ben, allez vous accaparer l'album, ne serez pas déçu. Il sort lundi, c'est Corleone, on peut toujours le précommander maintenant. Ouais. Pour l'avoir, bah, dans la nuit de dimanche à lundi, ou alors lundi dans les bacs, lundi à la Fnac avec une box collector. Ouais. Album et t-shirt en édition limitée. Limitée, ouais. C'est La Crime avec nous ce soir encore pour cette dernière. Et la bonne nouvelle, je disais, tu reviens dès lundi dans Planète Rap. Ouais. Et là, on va réécouter tout ce qui s'est passé concentré en quelques minutes. C'est le replay de la semaine de La Crime dans Planète Rap. Ok. Planète Rap. Planète Rap. Le replay. Ok, La Crime cette semaine sur Skyrock dans Planète Rap. Skyrock. C'est parti pour l'événement pendant 15 jours. Il est là tous les soirs de la semaine. La Crime, comment va? Ça va très bien. Salut Fred. On vient débuter avec une grosse exclue en plus. Hein. Ouais, merci, c'est un gros titre. C'est le morceau qui s'appelle Bracelet. Ouais. C'est extrait de cet album qui s'appelle Corleone, qui sort donc le 1er septembre. Ouais. Là, je rentre dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire les derniers jours avant la sortie. Et je reviens dans le vif du sujet. Donc, c'est un peu de doute forcément en se disant est-ce que j'ai bien fait le boulot? Ouais, voilà. En tout cas, moi, j'ai le sentiment d'avoir tout donné, tu vois. Toujours du flow pour les fils de pute et les donneurs de go. Je pense à mes rôles, toujours. En cash, j'ai beaucoup d'erreurs à convertir en cash. Clique ma page, nique les barrages. Ce pote le voyou va devenir l'otage. Besoin d'évacuer ma rage, va un bon massage au bord de la plage. Ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait les Mexiques. Ferme ta gueule, imbécile. Nous c'est V12 et pas V6. J'ai tout niqué dans ma Tessie. J'ai pas de chat, j'suis pas de Messi. J'ai du 9-4, je me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Salut Fred, salut La Crime, salut Ace. Salut, ça va? Ça va bien. Et est-ce que tu as retenu par contre quand sort l'album de La Crime? Oui, 1er septembre, Corleone, pas de problème. Allez, c'est mon coup, tu crois quoi? Ouais. Il y a tout mon public qui chante. La Crime va tout vous rafler. La Crime va tout vous rafler. Vous rappelez, il n'y avait rien pour nous dépanner. Tout le monde veut délover. Ça tue, merci beaucoup. Des livres, des chiffres, des chats, des parloirs. Pas d'eux qui me prennent de battre par moi. Des milliers d'êtres remplissent mon armoire. Les vrais qui me font que penser à moi. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, veni quoi, bellissima. Ice, La Crime, le cash, tout est vital. Grosse voiture. Italienne, haute couture italienne, top modèle italienne, c'est un braquage à l'italienne. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, veni qua bellissima, Ice, La Crime, le cash, tous est vital. Grosse voiture italienne, haute couture italienne, top modèle italienne, c'est un braquage à l'italienne. Dans le X6, 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Mais c'est V12, c'est pas V6. J'ai tout niqué dans ma PC. J'ai pas de chef, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Ma prédé, je vais faire la guerre. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. 2-3 promenades et tu me croyais mort. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Bastos dans leur mer, ouais, d'un frappe. Bastos dans leur mer, ouais, d'un frappe. Bastos dans leur mer, ouais, d'un frappe. Corleone, ma gueule. Crier, fumer, buvez, bien sûr, rancunier. Y'a tout mon public qui chante. La Crime va tout vous rafler. La Crime va tous vous rafler. Y'avait rien pour nous dépanner. Il faut des sous pour changer d'ambiance. Donc, sous pour nous évader. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut délover. Pour pouvoir s'évader. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut des sous, ma gueule. Tout le monde veut délover. Pour pouvoir s'évader. Voilà pour ce replay avec La Crime et l'album Corleone qui sort lundi dans les bacs ce soir. Des morceaux, il y a aussi des invités ce soir, La Crime. Ouais. Dans l'émission. Des invités. Ouais, deux invités que tu nous présenteras tout à l'heure. Exactement. Qui viennent

Et ensuite, on c'est la première fois que t'es à Miami quand la première fois. Toute première fois, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été important pour moi. Comme je te disais lundi aussi, l'influence musicale, tu vois. Donc quand je suis revenu, j'avais un gros souffle de rap US dans le sang. Et toi, qu'est-ce qui t'a surpris les premiers pas à Miami? C'est quoi? C'est la démesure de la ville, des gens, de... Ouais, mais je dirais même pas de la démesure, moi, je dirais l'ouverture d'esprit. Ouais. Ouais. Là-bas, les gens se prennent pas la tête, tu vois. C'est le monde, la vie, enfin, comment tu vis, tout. Moi, je kiffe. J'y étais encore il y a deux semaines, tu vois, c'est vraiment incroyable. Mmh. Et enfin, tu vas y retourner? Ouais. Prochainement. Prochainement. Bon, là, on va écouter donc ce morceau qui s'appelle un arabe à Miami. Il y avait un clip d'ailleurs, hein, qui est dispo. Ouais, un clip qui a beaucoup tourné. Qui a beaucoup tourné et qui est toujours dispo. Mmh. Et là, on va écouter le son. Avant de vous passer aussi dans quelques minutes le featuring avec Lil Durk. Le clip, pareil, est arrivé hier soir. Voilà. Le clip de ce morceau, on va en parler dans quelques minutes. Gros événement, ma gueule. Et là, c'est un arabe à Miami tout de suite. Ouais. Bien loin de la tour Eiffel, tu vis le rêve américain. Sauf qu'à la fin tu te réveilles encore bien raide. À mon papa, ne dites pas qu'avec mon équipe en boîte hier on a claqué 10 balles. Mentalité bien française, tu sais qu'on s'arrange sur le boulevard avec un range. On vient te niquer ta gonzesse, gros. Bien qu'elle est trop bonne, non, c'est pas un grave. Je me crois dans GTA, je me balade vers Ocean Drive. Ici c'est bien le diable qui les protège sur ma mère. Que d'abus de folle de weed, d'alcool, de prothèse ma mère. Le soleil se couche jamais, c'est qu'une apparence. 3h du mat au midi, moi je fais plus la différence. Une pensée pour un fif, j'y repense quand j'ai des dollars. Je me lève du lit, je jette la pute, je vais changer des dollars. Petit rappeur de merde, arrête de faire les Tommy. Je baisse ta femme, je rappe mon couplet devant la vue là de Tommy. Le placard on connaît, moi j'ai squat depuis l'an 2000, ouais. La rue on domine, mon cœur un putain de champ de mine, ouais. Je la fous pas dans le zèle, enchanté mademoiselle. Appelle les clubs, je fume une rap français au coin de la 23ème. Manque de respect à mon équipe, gros. Fais le mytho pour du liquide, gros. Toujours un neuf planqué de type, gros. Mon test porteur. Avec un prototype qui va te crever l'œil. Comme ça, petit bâtard, c'est évitera de me le porter. Ne viens pas m'aborder. J'suis avec Jaco, Jean-Mi. On s'en fait tellement belle, crois-moi qu'il n'y a personne que j'envie. Le trafic, j'envie. J'attends la paix qu'elle rentre. On a trop mangé de bière, laissez-nous dans notre 10-40. Petit, le mérite, j'en dois les storquer. Y'aura que les grands fils de pute qui viendront pas m'escorter. Ok, là, je suis à Miami. Glade prend un peu d'image. Je veux faire kiffer mon public. Je ne veux pas faire de l'audimat. Moi de boîte, moi de froid. Quand je me dors avec un choc. Et ceux qui me veulent du mal doivent faire l'amour avec un Glock. Glock humaine, nos fusils à lunettes. Ce mec est tellement con qui rêve de se faire niquer par lui-même. Oui, mais je vais te la mettre dans le cul sur tous ces dansés. Mental sain, tête de Jack, dépoussage intense. Manque de respect à mon équipe. On te laisse par terre. Fais le mytho pour du liquide, gros. On te laisse par terre. Toujours un œuf bloqué de type, gros. On te laisse par terre. On te laisse par terre. On te laisse par terre. Le placard on connaît, moi j'ai squat depuis l'an 2000, ouais. La rue on domine. Mon cœur un putain de champ de mine. Alors lui, je fous pas dans zen. Enchantez-moi de ça dit quoi? J'appelle les clubs, je fume une rap français au coin de la 23ème. Un arabe à Miami à l'instant avec Lacrim. Ouais. Petit retour en arrière sur ce morceau. Ouais. Morceau qui a beaucoup tourné de Lacrim. On va mettre un autre titre maintenant, extrait de Corleone. On va s'arrêter deux secondes sur ce morceau. C'est un titre qui s'appelle On fait pas ça. Ouais. Avec Lil Durk. Ouais. Donc ça, c'est toute la nouvelle génération. On en a parlé un petit peu cette semaine. Ouais. Toute la nouvelle génération, Kari qui est en train de monter. Ouais. Lui vient de Chicago. Chicago. Plus ou moins affilié à un gang. On sait pas trop. Il a jamais vraiment dit, mais en tout cas, tout son entourage, est proche d'un gang là-bas à Chicago. Ouais, c'est dangereux, ma gueule. C'est assez chaud parce que c'est vrai qu'on a, on parle de gang et tout, mais là-bas aux États-Unis, il y a toujours eu une histoire avec les gangs, notamment Los Angeles, Chicago aussi. Ouais. Et Chicago, c'est assez chaud aussi. Ouais, hein, c'est très chaud. Une ville assez violente. 300, je crois, 400 morts par an. Ouais. Donc ça en fait pas. Juste dans le quartier, je crois. Juste dans le quartier. Donc, tout ça, éviter ce quartier. La fois où tu le rencontres, ça se passe comment justement avec un mec comme Lil Durk? Parce qu'on se souvient souvent qu'il y a des rencontres parfois entre Français et Américains, les mecs viennent juste parce qu'il y a du bif à se faire. Ouais. Mais est-ce que toi, voilà, il y avait une autre histoire, il s'est passé autre chose avec lui? Oh, je dirais pas qu'il y ait une grande histoire non plus, tu vois, ouais. Mais franchement, mec bien, tu vois, super rencontre, tu vois, simple, comme moi. On a déliré. C'est important de le rencontrer parce qu'il y a parfois aussi des échanges de bandes, t'envoies les sons, t'envoies les. Ouais, non, après, je veux dire, franchement, s'il n'y avait pas le clip, Ouais, je veux pas faire un voyage, je veux pas faire un voyage pour qu'on se rencontre pour faire un morceau. Si on est là-bas, on peut faire les choses, tu vois. En plus, je suis dans le, j'étais pressé, tu vois. C'est dans un timing assez, assez restreint. Serré, ouais. Donc, on était sur le clip. Voilà, franchement, très bien, très bon personnage. C'est Belek à la prod. Il pétait les plombs sur la prod à Belek. voilà, non, franchement, bien, tu vois. Il demandait, tu vois, vous avez l'occasion de voir le clip. Il back le refrain, tu vois, en français. Il était là, franchement, bien, tu vois. Et donc, le clip, pareil, tournait au soleil. Ouais, tournait au soleil. Tournait au soleil. On va écouter donc ce morceau qui s'appelle On fait pas ça. Le clip est dispo depuis hier. Ouais. On va mater le clip, les images. Ouais, gros clip, gros son. Laisse tomber. Allez, on balance ce morceau avec Lil Durk. On fait pas ça. Présente aussi les invités de la crime. Il y a du freestyle qui se prépare, du live dans quelques minutes. On fait pas ça, se coucher dans une affaire. En vrai, on fait pas ça, balancer un de mes frères. C'est chaud, ne ma fait gueule. Pas ça, fuck tous ceux qui veulent ma crime, les leurs. Faut souhait par toi. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse pour qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse pour qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse pour qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse pour qu'ils paient. Glock, shit. Coke, beef, 3 litres de fax et non. Si j'arrive, tu te feras buter forcément. Il m'en veut car j'ai trouvé la faille. Je dormirai plus jamais sur la paille. Babe, ils ne sont pas à ma taille. Fuck you, que la rafale. Pourquoi faire de la taille? Cette année, on verra bien qui est le meilleur. J'suis de mauvaise humeur, ce matin je lui ai mis derrière. La devise, ne jamais parler pour rien. Alors ferme ton claque merde, nous on s'en bat les reins. Parler pour ne rien faire, on fait pas ça. Se coucher dans une affaire, en vrai, on fait pas ça. Balancer un de mes frères, ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent me faire. Prends tes sous et par toi. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Casse le cul, ma gueule. Nigga be talking about killers, let's get it. Only fuck with my killers, squad. We don't fuck with these niggas, nah. Fuck nigga better keep they distance, ew. We poppin' out, war time, we poppin' out. Ain't no shooting from a cotton nigga. Phone them hopping out, let's get the shit. We the shit. Movie club, shoes club. Gang shit. Niggas wanting that fame shit. Little phone them gon' change shit. Nigga better change quick. We real niggas, let's get it. Let's get it, let's get it. So you better keep your hands on high. Yeah. Cause I can't trust these niggas, nah. No. No. Let's get it. Pour ne rien faire, on fait pas ça. Se coucher dans une affaire, en vrai, on fait pas ça. Balancer un de mes frères, ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent me faire. Prends tes sous et barre-toi. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Pro fond dans ses fesses. Deux heures du match, fin bas de minuit, noyé dans l'ivresse. Pas besoin de sucer pour me faire des amis. Ils parlent de mourir, je sais qu'ils aiment trop la vie. Oui, je veux faire des gros sous, casser loin d'ici. Dealer, ça brille, c'est 4 pour mes ennemis. Je vis la rue, 9-4, c'est de là d'où je viens. Afif, j'en mets petit bas chez les Marocains. Ruin, bâtiment B. Bâtiment B, ma gueule, c'est chaud, ça pète par la fenêtre. Aïe. T'entends la prod ou pas? C'est chaud, ma gueule. Le morceau s'appelle On fait pas ça. Il est sur l'album Corleone de la crime. C'est chaud, le morceau. Lil Durk, très chaud ce morceau. Et les images pareil, hein. Ouais. Chaud aussi le clip. Ah, très chaud, frère. Dites-nous ce que vous en pensez. La crime sur Skyrock avec le hashtag, ça arrive direct dans le studio. Il y a Lil Durk, d'ailleurs, j'avais lu une de ses interviews qui expliquait que, voilà, comme on parlait de son rapport avec les gangs il y a quelques minutes à Chicago, qu'il y a une police carrément même qui est créée là-bas pour infiltrer un peu le hip-hop. Ouais, ouais. Je sais pas si t'en as parlé, si t'en as parlé un petit peu avec lui. Non, mais moi j'avais vu ça. Ouais. J'avais vu ce truc-là. Toi, c'est un truc, alors en France, c'est différent aussi. Je pense pas qu'il y ait une police du hip-hop. Au moins, c'est. Non. On sait pas. Mais toi qui as côtoyé l'administration pénitentiaire ces derniers temps, tu ressens quoi quand tu dis que tu vas sortir? Parce que t'as un projet qui est notamment sorti un album de rap. Ouais. Y a quoi? Y a un peu de méfiance? Y a un encouragement? Y a. Par rapport à l'État? Oui, enfin, ce que dit l'administration pénitentiaire. Non, l'administration pénitentiaire, moi, voulait pas me sortir. Ah, il voulait pas. Moi, c'est clair. Pourtant, je te dis franchement, la directrice, elle était là, à la commission, ça s'est très bien passé. J'avais une bonne relation avec les surveillants, respectueux, tranquille, tu vois. Mais elle voulait pas, avis défavorable. D'accord. Voilà, j'avais un dossier solide, Def Jam, tout. Les SPIP sont partis là-bas, ils ont vu que c'était carré, ils m'ont laissé sortir. Après, la décision, elle appartient pas à la prison, elle appartient à la juge, tu vois. Mais eux, à la base, ils voulaient pas me sortir. Donc là-dessus, tu sens aussi, ouais, un peu de méfiance, un peu de ouais, méfiance. Bien sûr. Là, je te dis la vérité, j'ai un Facebook, tu vois, il y a un poteau qui le tient. J'avais tout le temps droit à des trucs, des fouilles de cellules, des trucs. Parce que j'étais un artiste. Ouais, okay. Tu vois, parce que voilà, il y a plein de problèmes. Ouais, très méfiant. Donc très méfiant, ouais, là-dessus. Ouais. Mais à la base, moi, il me disait qui savait pas comment gérer le truc, tu sais, ça arrivait pas souvent, tu vois, et moi j'étais mélangé avec tous les autres détenus, j'étais pas en VIP, j'étais pas en isolé, tu vois, donc c'était un peu difficile à gérer. Ça t'as pas. Lune, hein, c'est pour exactement. Ça que tu dédicaces d'ailleurs, et on salue Lune. Ouais, je vous dédicace à Lune, les gars, je sais qu'ils écoutent tous. Hein, de faire un concert là-bas, tu sais que j'ai fait un concert, moi, j'ai présenté un concert là-bas. Ah ouais? Avec l'association de Mouloud, je sais pas si tu connais. Ah ouais, je connais. Hip Hop Convict. Ouais, je connais. Au mois de juin, il y a un an. Au mois de juin, on s'est croisé, je suis rentré le 14 août. Ah bah oui. On s'est croisé. Dû se croiser, il y avait un concert Lune, donc on salue Lune, tous les gens là-bas. Gros big up à Lune, les gars. Et tous ceux qui sont bientôt la sortie, je sais que c'est dur. Hein. Qui sont en train de nous écouter et d'écouter le Planète Rap de la Crime. Et toutes les autres prisons de France, ma gueule. On va présenter les invités qu'on va avoir en freestyle dans quelques minutes. Ouais. On leur fait dire un mot maintenant. Tu veux les présenter maintenant? Qui viennent, qui s'installent. Alors. Les potos, venez les potos. Messieurs, on commence par qui? Voilà, bah par toi. Ça va bien? Ça va et toi, ton temps? En forme? Ça va, tranquille. Et bah, petite présentation express, un petit CV express. SCH. Marseille, Brabus Music. Brabus Music, voilà. Baïsou. On est là avec Baïsou. Qui est là aussi, qui vient de s'installer. Trinquillo, je suis là, Baïsou. Viens, Mourad, viens. Venu faire du sale. Marseille, la Castellane. Voilà, bien, messieurs. En fait, c'est deux jeunes que j'apprécie. J'aime beaucoup leur rap, tu vois. Je suis pas sectaire, tu vois, mais j'écoute pas beaucoup. Tu vois, je suis beaucoup influencé par la musique américaine, tout ça. J'ai un ami qui s'occupe d'eux, en fait. Donc, c'est ce qui fait que j'ai un peu plus d'attention, que je regarde. Les clips, je trouve ça vraiment fort, tu vois. Je trouve que c'est vraiment fort, donc tu vois, je me dois de les inviter ici, qu'ils fassent du sale. Et bon, vous écoutez, vous êtes prêts à faire du sale dans quelques minutes. Ouais. Vous allez écouter aussi l'album Corleone, messieurs. Ouais, on attend ça, mon poteau. Est-ce qu'il est archi validé cet album? Validé. Après ce que je viens d'écouter tout à l'heure, moi j'aime bien ce que je viens d'écouter. On en parle. C'est du sale, validé. Bon, on écoutera un autre morceau juste avant de vous retrouver en live dans quelques minutes. C'est un titre qui s'appelle Corleone, justement. C'est l'intro de cet album avec la Crime. On revient dans quelques minutes. Freestyle par téléphone aussi, inscription au 41759. Bougez pas, c'est juste gros, après gros ça. Live. Et question en effet pour repartir avec le coffret collector, dernier coffret collector de la semaine. Donc plein de messages. On écoutait le featuring avec Lil Durk à l'instant. Ouais. Il y a deux autres featuring. J'ai besoin d'avoir les noms des deux autres featuring. Qui sont les artistes présents avec la Crime sur cet album Corleone? Vous balancez leur nom au 41759 avec le hashtag La Crime sur Skyrock et vous repartez avec cette box collector avec l'album et t-shirt en édition limitée. Ouais, faut appeler édition limitée. Elles vont s'arracher dès lundi. Vous l'aurez peut-être si vous répondez à cette question. Qui sont les deux autres featuring à part Lil Durk sur le projet de la Crime? On en a parlé cette semaine, donc allez-y, 41759 et on revient après ça. Comme toi, la Crime a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. La Crime. Corps. Tu fais des sous, t'as pas capo. C'est que t'es comme moi. La rue c'est plus dangereux qu'un coma. Après me suivez, me supporte. Je vous oublie pas. Non. La vie est courte, monsieur. Donc faut des armes, du courage, du vice, d'honneur. Petit frère, sois fier. Regarde-moi, la main. Le jour, la veille, de ma paye. Je dors pas, l'ivresse, la faim. Des billets, de mon repas. Ouais, la guerre pour faire ma vie. je la mif. Tirer sur l'ennemi, viser dans le mille, hein. Tout niqué, des frères ont embrassé la mort. Ça et des métis, des vrais soldats, je vous oublie pas, hein. Vais-je pouvoir un jour me reposer? Mon père t'a fait la nuit, le dos cassé. Combien dans ta vie l'ont fini bandit? Pas qu'un fois je volais des sous, j'ai jamais grandi. Pourquoi mon cœur est maudit? Envie de faire des folies. Pourquoi les démons me font croire que l'enfer est joli? Même avec des millions, aurons-nous la paix? Beaucoup trop finissent par se fumer. On est quelle envie en col, mon gros. Avec la faim, je suis parti de rien. Je voulais voir le monde, donc j'ai volé. L'estomac noué, jeune et doué. J'ai fumé le roi qui me croyait dévoué. Lové, mon Dieu, toi seul peux me sauver. Si vous saviez ce qu'on a fait, mais pas toujours ce qu'il fallait. Crever, le fond de mon cœur n'est pas mauvais. Juste un gros loup de la tête, cap tout niqué pour gratter sa pièce. Yo. 9, 4, you know how we do. Ça brasse avant de la drogue. Tout fait pour creuser mon trou, il fallait se débrouiller. Fallait qu'on baisse tout, y'a rien dans mon assiette. Donc je prends tout au resto. La faim nous a soudés, nous a rendus plus forts. On a grandi sans un sou, adolescent, nous prenions que des leurs. Fais du mal, déçu ma mère, amour venu d'ailleurs. Du fils et mitrailleur, t'es là pour toucher tous les gars. T'es là pour tout perdre, je suis qu'un homme parmi tant d'autres, juste de passage. Bienvenue dans mon monde. Très sale frère. Ça rigole pas, pato, voilà. Corps, Léon. Corps à la prod. Boucherie. Rien. Corleone, c'est l'intro de cet album du même nom à l'instant, Corleone sur Skyrock, où on retrouve deux autres featuring. Tout à l'heure je vous ai posé une question pour repartir avec la box en édition limitée qu'on va trouver uniquement à la Fnac, hein, cette box. Ouais, uniquement à la Fnac. L'album et le t-shirt de la Crime, à savoir cette question: quels sont les deux featuring autres que Lil Durk et bien les deux autres, c'est Amel Bent et French Montana qui sont présents avec toi sur cet album Corleone. Qu'on peut découvrir toute la semaine et la semaine prochaine aussi dans Planète Rap entre 20 et 21 avec la Crime, dans quelques minutes du live avec toi, avec vous messieurs aussi. Ouais, on est chaud patate mon cousin. Et bah bougez pas, ça arrive dans un instant. Justement il y a Simka de Metz par téléphone. Salut Simka. Si, comment que c'est Fred, ça se passe ou quoi? Et toi, tu connais la Crime? Si. Et salam, bah, voilà. Ça va poto ou quoi? Salut la Crime. Tranquille. Ouais, ça se passe et toi, bien? Alhamdoulilah. Tu viens d'où? Metz? Metz, ouais. Ouais, exact. Borny? Représente 5-7. Aïe. Le 5-7, et on va t'écouter rapper maintenant. T'as une 30 pour tout déchirer. C'est parti, coup d'envoi du freestyle par téléphone. C'est parti. Slimka Cash Game sur Skyrock. Hein. Écoute ça, Biatch. Mets le son à fond, vas-y, fais péter les watts. Mets le son à fond, vas-y, fais péter les watts. Hein. Ok, check. Yeah. Toujours au taquet, fais péter les feuilles à rouler. Refais, je suis là pour m'enjailler, pour faire du bif dans la foulée. Tous ces MC m'ont saoulé, laisse-moi faire, je vais leur montrer. La plupart ne savent pas rapper, j'arrive plus à les écouter. Bref, les rappeurs se la racontent, j'ai trop de level. J'ai dû faire des sacrifices, j'ai pris du plomb dans la cervelle. J'avance toujours à contre-courant, j'ai l'esprit rebelle. Au taquet, j'ai trop la classe, pour moi le soir c'est naturel. Yeah, SLIMK représente pour les vrais. C'est comme ça que ça se passe, et ouais, refrain, on veut du concret. Oh, et ouais, tu sais, ça se passe en freestyle. Rien à foutre, et ouais, tu sais, refrain, on fuck, c'est hard style. Ok, et ouais, tu sais, refrain, je m'en jaille, on est là au quartier posé, si. Ok, j'ai fini mon freestyle, mais on remet ça. Ok, check ya, Slimka. Mets le son à fond, vas-y, fais péter les watts. Mets le son à fond, vas-y, fais péter les watts. Mets le son à fond, vas-y, fais péter les watts. En un couplet, je les fume, les poèmes, tu passes à la trappe. Mets le son à fond, vas-y, fais péter les watts. Mets le son à fond, vas-y, fais péter les watts. Mets le son à fond, vas-y, fais péter les watts. En un couplet, je les fume, c'était Slimka dans Planète Rap. Ok. Ok, à l'instant Slimka de Metz. Juste pour dire, c'était en freestyle. Hein, écoute, pas préparé mon frère. Bravo, terrible. Aïe, impro ma gueule. Bien joué Slimka. On peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y. Hein. Ouais, vas-y, alors mon Facebook, alors c'est Slimka officiel. Et pour YouTube, Slimka officiel. Slimka officiel. Et puis voilà. Et puis je voulais faire des dédicaces, t'as vu. Vas-y. À Dante, tu vois, à tous les poteaux du quartier, tu vois, à tous ceux qui font les vraies choses, à tous les frères enfermés. Voilà. Et bref, et comment dire, bref, lâchez pas, continuez à représenter, voilà, on est là. Merci à toi, Slimka. Fais attention à toi, mon gars. Passe une bonne soirée sur Skyrock, le Planète Rap. La dernière pour cette semaine avant de retrouver la crime dans les bacs lundi et aussi sur Skyrock entre 20 et 21 dès lundi. On y va pour le premier live. Allez, on y va. Allez, coup d'envoi. C'est parti. Allez, c'est parti maintenant. Tigra, poto. On attend la prod. Rubus Music. Ma fuck. Et les rastres. C'est comment? Son Messerera. Hein? S-C-H. Yeah. Ma fuck. Hein? Une prod qui blague pas, MC qui blague pas. Donc je donne un son qui blague pas. Hein? Fais le spectacle sur tes obstacles, la concu prend du smecta. Secteur, je suis nostalgique, la secta. Alexia prend de l'extra. Les trimarques qui tirent les chivas, c'est selecto. On se couche tard, on se lève tôt. Shoot star, push car, body jack au resto. Good star, good star, je les soulève ton testo. Pénètre les profondeurs, comme dans Cousteau, je suis stone. Puisque la steak est dans la fête, mon skeg est dans sa schneck. Motherfuck, ton fair play, on s'en balèque. Je suis pas content, mais quand on prend pas l'échec. Je roule un perse, tire de grosses barres, tire transperce, cheat aux grandes balles. Végétal comme celle que tapait Van Damme. Et mon compil shit Van Damme. Marat, je veux ma gloire. Haras, je veux ma foi. Ma date n'a pas d'égal, rafale dans ta mâchoire. Escalade de très haute sphère. Je les baisse tous, je me sens bien. Marade moi et mes rayons, les cours sans gain. Le sang des saints, censé sans dessin. T'as la tête dans le cyanure ou dans les seins. Je les baisse tous, je me sens bien. Marade moi et mes rayons, les cours sans gain. Le sang des saints, censé sans dessin. T'as la tête dans le cyanure ou dans les seins. C'est pas Mardi Gras, Mardi Gras. Réel et mon globin, c'est pas Mardi Gras, Mardi Gras. Réellement globin, c'est pas Mardi Gras, Mardi Gras. Réellement globin, c'est pas Mardi Gras. Jeune autonome, sont mes bonhommes. Par comme Conan, j'entends l'économe. Je sais tout normal, j'suis pas dans les normes. J'ai mes raisons, si j'ai d'un, je les nomme. Stupéfiant visage marqué sous les bombes. Plonge jamais pas de culotte en dessous de sa robe. La pupille dilatée sous les verres Jacob. On vivra pas en paix sans mener de guerre salope. C'est pas Mardi Gras, Mardi Gras. Réel et mon globin, c'est pas Mardi Gras, Mardi Gras. Réel et mon globin, c'est pas Mardi Gras, Mardi Gras. Rubus Music, ma fuck. Rosalité Dutch, là. Ma fuck, touchdown. Edge bound, quand Starsky sort les kebabs, là, ce que je donne. Ma fuck, boy, sous, la me crie, on est là. Et moro. Ma fuck. Mardi Gras, Rubus Music, Laura. Yeah. Agressif. Team Rubus. Agressif. Tu connais Team Brabus. Team Brabus. Ma fuck. Tu connais Team Brabus. Bien ou pas, Fred? Terrible. Et Ryan Mar, mieux. On est là. Yeah. Bimo, Marseille, la Castellane, Chir, voilà, Black Castel, A. Ça dit quoi, la Casté? Snake, DBJ. Toute l'équipe. Yeah. Yeah. Les larmes de nos mères nous torturent. Pourquoi des armes se perdent, c'est plus dur. Dites-moi pourquoi t'es trop déter, tu fais le dur. T'es fou, on a des armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Yeah, Bimon Cross. Levez, les vrais savent d'où ça vient. 1, 3, braque, les vrais fils de pute vont crever ton disque pu. Doigt levé, ils pensent qu'ils sont forts. Moi je pense qu'ils ont le droit de rêver. Pas de manière, éteins ton tel. Donne, donne, pas de soirée. Jack Daniel, étape hôtel. Bonne, folle, short serré. T'aimes les durs, pas de sourire. Mec de rue, pas la porte faire rire. Quoi, les clés de mon cœur. Nique ta mère, j'ai pas de serrure. J'fais des temps pleins que des beepers. Que des temps pleins, pas de leader. Mes couilles, c'est des alters. Si tu veux les bras d'un petit builder. Deur, deur, c'est pas la fête. C'est pas la fête. Tes pecs te sauveront pas. Bimo, ici ça calache sec. Brrr. Les larmes de nos mères nous torturent. Pourquoi des armes se perdent, c'est plus dur. Dis-moi pourquoi t'es trop déter, tu fais le dur. T'es fou, on a des armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. J'démarre pas au taser, évite la merde. Méné, gros sang, pas net. Regarde-moi de travers, j'te nique ta mère comme la bande à Ahmed. ça arrive en tout cas. Bimo, on dit quoi? Ça s'annonce tour, ça part de là comme elle arrive NJK. Je représente les grands, les types. Dans le quartier, y'a trop de stupes. Je suis venu pour tout niquer. Toi t'es venu pour faire ce que tu peux. J'suis pas buzzé, pas pour solo, j'suis venu les baiser. Acteur porno, tous calibrés, pas peur pour nous. La tatata, j'viserai pas les genoux. Trop de salopes que j'ai dû corriger. Ils veulent rappeler, mais ça faut ridiculiser. Ils veulent faire les fous, laissez-les. Nos paires de couilles, léchez-les. J'bosse, grosse paire de gants. Choup, suceur de gland. J'suis dans le terrain, j'fais que marquer. T'es qu'un chauffeur de banc. Le rap m'a pute que satisfait. Ils sont plusieurs dedans. Du lourd que satisfait. Comme un sniffer de blanche. Le rap m'a pute que satisfait. Ils sont plusieurs dedans. Du lourd, c'est ça qui se fait. J'suis affolé comme un sniffer de blanche. Les larmes de nos mères nous torturent. Pourquoi? Des âmes se perdent, c'est plus dur. Dites-moi pourquoi t'es trop déterre. Tu fais dur, t'es fou. On a des armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. Armes de guerre du futur. C'est bon ça, armes de guerre du futur. Tu vas plus manger. Corleone, le 1er septembre. Je vais vous procurer. Bimo, Tim Rabus, hein. Arme de guerre du futur. On valide, on valide. Castellan. Arme de guerre du futur. Arme de guerre du futur. Arme de guerre du futur. Arme de guerre du futur. Arme de guerre du futur. Arme de guerre du futur. Arme de guerre du futur. Arme de guerre du futur. À l'instant en live dans Planète Rap, entre 20h et 21h. Ils sont là ou pas? Ils sont là. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs pour vous? Il y a des sorties, des projets qui arrivent? Ouais, il y a le street album Brabus Music là, en préparation, ça arrive bientôt. Donc ça c'est le label Team Brabus, c'est ça? C'est nous-mêmes. C'est mon poteau, Morad. Voilà, il y aura moi et Baïsou et d'autres personnes. Principalement moi et Baïsou sur le projet et d'autres invités. Voilà, vous avez des réseaux sociaux, donnez les réseaux sociaux. Ouais, allez-y Facebook, pour vous suivre. On est là sur Facebook, sur Twitter. Donc pour les Facebook, SCH Marafak. Moi c'est Baïsou Rap Zikmu. Sur YouTube, vous tapez Baïsou, vous me trouvez et voilà. Voilà, chaque faut suivre, faut clips, suivre. C'est voilà, les jeunes du terrain, ma gueule, ils ont la dalle. Et ça arrive donc dans les semaines, dans les mois à venir. Ça arrive. Guettez une oreille. À l'écoute, faut guetter. La crime avec nous pendant quelques minutes encore avant de faire tourner la roulette. Ouais. Dans un instant, avant de repasser aussi. Peut-être soit on finira avec le bracelet ou peut-être remettre le morceau avec Lil Durk, comme le clip est arrivé. Ouais. Dans un instant, mais juste avant, live avec toi, la crime, si tu es prêt. Un petit live. Pronto? Ouais. Pronto, c'est extrait l'album Corleone. Ouais. Et c'est maintenant dans Planète Rap. Ouais. Ok, Gros, bah oui, prends-nous en photo. Gros, bah oui, passe-nous des micros. Pose. Les tchapas sont dans l'auto. Les tchapas sont dans l'auto. La curiosité, un village. Ah, gros, tu parles de qui? Tu parles de moi? Moi, je te connais pas. Je ne plaisante pas. Reste tranquille, Renoir. Moi, je suis pas d'ici. Mais je suis partout chez moi. Broly, canache, usine. Hein? Trop de salopes sur la vie de ma mère. Hein? Un dernier verre, je vais tous me les faire. Hein? 762 pour te casser les jambes. Faire courir les gens. Tous les sur le champ. Qui peut te tester avec moi? Personne. Je vous baisse, toi, lui et elle. Tout seul, là, me cri. Versace, Rolex, je suis pas Qatari. Le pétrole, ma vie, l'Algérie. Je veux faire la guerre mais t'es pas prêt. No. Crois-moi, non, blague pas. No. On s'en bat les couilles de ce que t'as fait. No. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je vais pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je vais pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je vais pas les fous. Parce qu'on aime ça, on attend ça. Mais pour ça, on baisse la bando. Tes sons téléphonés, ton équipe de bouffons. C'est le fané par lui pour mes frelons. Ah ouais, t'es un vrai, moi je sais que t'es un faux. J'suis dans les faits divers, t'es qu'à la radio. Cramé et mon équipe, pas de CB du liquide. Si j'te fais mon équipe, la cavale un grand kiff. Donc j'm'arrache au doublé. Alger, Corniche et Raton, j'serai jamais extra des meufs pour deux temps. Les couilles et l'honneur, l'oseille et les tarpés. Les harbés, les harbés. Du cap aux vendeurs, aux braqueurs, aux tueurs. Les amis, les ennemis.

Ils parlent de mourir, je sais qu'ils aiment trop la vie. Oui, je veux faire des gros zooms car c'est loin d'ici. Dealer, ça brise ses quatre pour mes ennemis. Cheville, il a rue, gros. 9-4, c'est de là d'où je viens. Afif, j'en ai mis petit bas chez les Marocains. Lune, bâtiment B. Écoute la prod, gros. Bois de flash. Rentre dans le rideau de fer. Corleone. On fait jamais ça, gros. La crime, on fait pas ça avec Lil Durk à l'instant, extrait de l'album Corleone. Ouais. Et la prod donc de Monsieur Belek qui est là, qui nous a rejoint dans le studio. Viens dire un mot. Viens nous expliquer dans quel état t'étais, toi, quand t'as fait la prod. Ah, j'étais dans un état. Non, mais quand il vient, tu sais, il me dit quoi? Hein? Mais bref, ça se connaît bien, t'es. Eh, gros, non, j'en ai une, c'est trop. Ça, ouais, une, c'est toi, non, c'est trop. Celle-ci, c'était ça, quand tu l'as fait écouter? Ouais, ouais, ouais, toutes. Ouais, en vrai, ouais. Il y en a une qui s'appelle. Bon, on reviendra dessus la semaine prochaine, tu vois. Il y aura le temps. Il y en a une troisième qui s'appelle Pour de vrai. Et la construction du morceau, elle est extraordinaire aussi. On en reparlera, mais c'est fou. Bon, alors celui-ci, si on s'arrête à celui-ci avec Lil Durk. Ouais, et bah écoute, ça a été. Je l'ai fait à 4h du matin. Toi, tu savais qu'il y avait Lil Durk aussi? Non, pas au début? Non, au début, non. Au début, j'étais pas au courant. Moi, j'ai fait. Donc, ouais, ça n'a pas été une motivation particulière pour. Non. C'est vraiment l'univers dans lequel je suis, tu vois. C'est le son que j'écoute. C'est ça qui m'influence, ce qui fait que j'ai pas fait exprès, en vrai, tu vois. J'ai fait ma prod sans calculer. Mais j'étais sûr de WAM quand je l'ai fait écouter. Et à chaque fois, quand tu viens lui faire écouter, tu lui dis, tiens, j'ai un truc pour toi. Ouais. Ah, c'est vrai. Mais de toute façon, tu m'as déjà fait écouter une prod que j'ai pas prise. Jamais. Non, c'est vrai. Jamais. C'est pas le mec qui va venir, il va dire tiens. Mais tu vois, c'est mort. Et il y en a certaines que t'as pas voulu justement lui faire écouter. Ouais. Que t'as mis de côté en disant. Ouais. Je pense que chaque univers, chaque artiste, il a son univers. Il faut savoir, tu vois, ça sert à rien de trop en faire en fait. Tu vois, faut bien travailler sur quelques prods, bien les bosser à fond, tu vois. C'est ça. Et voilà, il est présenté à l'artiste et après. Ça se fait. Là, qu'il est très fort, il est très fou, frère. Bon, en plus validé par Lil Durk qui a priori a apprécié aussi la prod. Ouais, il m'a regardé, il m'a dit so hard. Ouais, ça fait plaisir quand tu m'as dit ça. Ouais. Donc ça fait plaisir. Ah, de ouf, ça motive. Il y a aussi les images, hein, depuis hier, le clip est arrivé. Ouais. Allez mater le clip de très gros clip. Donc on fait pas ça. Je préfère même pas parler. Et avant de se dire au revoir, avant de se retrouver dès lundi entre 20h et 21h, on fait tourner la roulette maintenant, c'est parti. Ouais. Skyrock t'offre ta compil Planet Rap 2014 volume 2 et ton iPad mini. Avec Wafia Tourcoing, salut Wafia. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va et vous? Bah, ça je va, te présente la crime, notre invité toute cette salut, semaine. Salut la crime. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ah bah, elle est contente. Je suis avec ma soeur et elle est amoureuse de la crime, elle y croit vraiment folle. Voilà, bah, tu l'embrasses très fort. Elle s'appelle comment la frangine? Sarah et Wafia. Ça va, Sarah? Ça va, tranquille, et toi? Tu lui fais un gros bisou. Ouais, je t'ai fait un gros bisou même. Merci. Bon, l'album arrive à Tourcoing et dans toute la France lundi 1er septembre. On fait tourner la roulette, c'est parti. Allez, les filles, dès que vous voulez, faites-nous un beau stop pour bien attaquer le week-end. Et la roulette va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Et ben voilà, c'est la Total CD avec Planet Rap 2014 volume 2 et puis l'album de la Crime Corleone qu'on vous envoie du côté de Tourcoing, les filles, c'est pour vous. Merci beaucoup. Merci, je vous embrasse, les filles. Passez une bonne soirée, merci. Un beau week-end. Bon bisous. Merci. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. La Crime, bon week-end aussi. Alors toi, tu pars la direction Tanger. Ouais. Pour le showcase, ceux qui sont du côté de Tanger, là, au Maroc. Ouais. Showcase de la Crime, c'est demain. Le 12 septembre à Liège, en Belgique, le 13 à Mons, le 26 septembre à Lyon, et puis d'autres dates qui vont s'ajouter aussi. C'est ça. Ça va, rien à ajouter pour cette semaine? Ça a bien passé cette première très semaine? Bien, très bien, première. Bon, on va dire, c'est une semaine d'introduction. Ouais. La semaine prochaine, on aura l'album. Ouais. On pourra balancer plein de morceaux. Exactement. Il y en a un en particulier où t'aimerais avoir la réaction des gens sur cet album, sur Corleone? Non, après, moi, je peux te dire mes deux préférés. J'ai deux préférences. Ah, t'as quand même deux préférences. Ouais, mais j'écoute tout, tu vois, mais j'ai deux titres qui me, tu vois. Le On fait pas ça. Ouais. Et le Ose. Et le Ose aussi, qu'on n'a pas passé. Qu'on a pas passé ce soir. Ouais, qu'on a pas passé. Ce sera un gros live. Et qui sera dès lundi dans qui les bacs. Qui est violent et qui est de corps. Elle est violente, la prod. Bon bah allez vous procurer cet album. Je rappelle quand même deux trois choses aussi importantes. Là il est toujours en précommande, donc on peut y aller, on peut l'avoir rapidement. ou alors lundi dans les bacs. Et ceux qui vont passer à la Fnac, ça va s'arracher, c'est la box collector avec album et t-shirt en édition limitée. Voilà, pour retrouver Corleone. Merci pour cette belle semaine déjà, la crème. Merci à toi, frère. Merci à la team Brabus qui était là aussi. Ouais, merci. Brabus Music, petit dédicace. Ils sont là. Tous vous procurer vite fait l'album 1er septembre et restez à l'affût Brabus Music. On est là, on arrive salissime. Voilà. Merci à vous, Bedek. Ouais, écoute. C'est quoi le week-end, toi? Tu pars aussi à Tanger? Ouais, je pars à Tanger, ouais, carrément. Ça va t'inspirer, peut-être? Ouais, oui. Peut-être des prods qui vont. Mais c'est ça en plus, je te jure, je fais du son, j'arrive à bosser tranquille. Hier, on m'a fait écouter une prod, mon genou s'est cassé. Bon, vous nous raconterez lundi. La suite, le meilleur. Lundi, c'est la deuxième semaine. On attaquera la deuxième semaine. Il te décolle les poumons. Avec la crème, merci à vous tous. Merci à toi. Merci à toute l'équipe de la crème. Merci à toi. Et Corleone, c'est lundi dans les bacs et aussi dans Planet Rap des 20h. Ciao, on retrouve Difool maintenant. Et oui. C'est parti, la radio libre. Et nous, c'est parti. Bon week-end, tout le monde. Profitez bon bien. Et lundi, on sera là. La crème dans Planet Rap, c'est encore pendant une semaine. Profitez-en entre 20h et 21h toute la semaine prochaine. En direct sur Skyrock, bien sûr. On me signale qu'on a des nouvelles footballistiques à vous donner. Même un match à suivre ce soir en direct dans l'émission. Mais c'est l'OM, Samy, qui joue ce soir. Ça y est, quatrième journée de la saison. Quatrième défaite. On n'a pas perdu. Bon, on suivra l'OM contre l'OGC Nice ce soir. C'est le match du Sud. Ça se joue à Marseille, on peut dire que c'est le derby du Sud même. Le derby du Sud. OM, Nice, 0-0 pour l'instant. Bon, on en reparlera ce soir. D'autres nouvelles footballistiques à vous donner, bien sûr. Mais évidemment, tout le reste. On a la suite du problème du mois d'hier. Avec les voisins chelous. Ouais, on va parler des voisins chelous ce soir. Restez bien dans le coin. On parlera de tout ce que vous voulez aussi. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 01 53 40 30 20. Toute l'équipe est là, bien sûr. Et oui. Et l'émission démarre dans quelques secondes sur Skyrock. Restez bien dans le coin avec Mathias Snoop Dogg, qu'on va retrouver tout de suite. Gros son de Snoop Dogg avec Jason Derulo. Wiggle. On écoute Wiggle. Et puis on vous attend en direct tout de suite. Vous voulez passer à l'émission? Allez-y. On arrive tout de suite, Radio Libre.